Arc-en-ciel, un amour de la femme. vous toutes, 13h passées de 30 minutes, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, voici le retour avec Miss Dance, avec Nicolas, toute l'après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée avec Lorenzo, avec les matins romantiques. Entre 9h jusqu'à midi, bien sûr, vous allez le retrouver la semaine prochaine. Donc, eh bien, sans plus tarder, on va continuer avec plusieurs chansons différentes. Mais voici donc, je vous laisse avec le groupe Alliage, avec Baila. Et puis, juste après, Daniel Guichard, J'aimerais. J'aimerais poser sur ton front des soleils un peu pâles. J'aimerais être la prison qui protège tes nuits. J'aimerais te donner le nom de la plus belle étoile. J'aimerais perdre la raison, la perdre dans ta vie. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es tout pour moi. J'aimerais t'inventer des mots qui ressemblent au silence. Dessiner sur le fil de l'eau la couleur de tes yeux. J'aimerais réchauffer ma peau d'un peu de ton enfance et t'offrir un monde. J'aimerais tant de choses. J'aimerais tant de fois. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es tout pour moi. J'aimerais détourner le temps pour qu'il te laisse vivre. J'aimerais éloigner les gens qui oublient de t'aimer. J'aimerais devenir suivre. J'aimerais être simplement un feu de tes pensées. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es partir. tirer le gel. Mais en été, la rivière est moins belle. Voici du Claude François avec Salblom. Salblom était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Il détraquait tous les machines à sous et le téléphone. Dans les spaghettis, mettait du whisky et du chewing-gum. Son père et sa mère trouvaient dans leur verre du vin et du sel. Et dans leurs chaussures de la confiture, quand ce n'était pas du miel. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Maintenant, écoutez-moi bien, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire, car elle montre de façon éclatante que quand on est un sale bonhomme, on ne récolte que ce qu'on mérite. Un été, il a rencontré une sale bonne femme, qui lui dit nous deux, on est si affreux que j'ai un programme. Épouse-moi, donne-moi un enfant. Et depuis ce jour-là, au grand étonnement de tous les gens, il vit tranquille dans une sale bicoque, avec un sale gamin et une sale bonne femme, et son sale petit bonheur. Oui, sale bonhomme, oh, t'es sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Oui, sale bonhomme, oh, des sales personnes, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Voici donc Enrico Macias. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Ville de pierre où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. Le Paris, ma belle ville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des café, elles m'ont rendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin même, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais dès la fin de ma vie. Viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. Je suis bien dans tes bras. Toi, Paris, je suis bien dans tes bras. Toi, Paris, je suis bien dans tes bras. Après, voici donc Marie-Myriam McColombe. Dans mon jardin au bord du Tage, ce matin j'ai vu tomber la colombe dont le plumage était de rouge taché. Elle avait survolé Lisbonne dans le grand soleil et pourtant un coup de feu c'est qui résonne et la voilà mouillée de sang. Ma colombe est blessée, mais qui donc a tiré, mais qui donc a tiré. Ma colombe est ma colombe s'est cachée. Et ce n'est que du bout des lèvres que j'ai pu la consoler. Voyez-vous qu'elle se pose, le monde n'est plus accueillant. Felicità, ed è il Superman, non ha

donc l'Hérita Mix avec Andy, et puis suivi de chanteur qui s'appelle Mireille Mathieu, et c'est chanté. Andy, wirklich nicht geschont. Wir beide gingen eng und schwingen, wolkenlos durch die Nacht. Ich stand vor den Flammen, sie hat nur gelacht. Ich sagte, bitte küss mich, schenk mir ein bisschen mehr. Sie hat mich nicht verstanden. Arc-en-ciel. Chanter frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien dormait. Les doigts posés sur son banjo, le musicien rêvait. Rêvait que la musique qu'il avait composée partait pour l'Amérique et il devenait un succès. Partout là-bas, la nuit, le jour, on jouait sa chanson, dont tous les mots parlaient d'amour, de retour et de pardon. Afin, afin peut-être que celle qu'il aimait l'entende enfin peut-être et lui revienne à jamais. Les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient. Et lui, dans son rêve, il voyait des millions de couples danser, danser sur sa musique dans un rythme infernal, sur une immense piste sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça son air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien pleurait, sans voir la porte qui s'ouvrait sur la fille qui revenait. Voici donc, elle s'appelle Elsa et son titre s'appelle Temps va pas. Tu l'as dit, lui, quelle est la fin de ta vie, vie, vie. Papa, ne t'en va pas. On peut pas vivre sans toi. T'en va pas au bout de la nuit. Thank you. je vous laisse avec deux titres portugais. On se retrouve juste après. Yeah. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc que je vous laisse avec tout simplement la roche Valmont à Loulou Coco. Et juste après, début de soirée. Dans une cadence à tes pas, tu sens. noire. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé, je vis le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant de craquer l'écran, mettant la gomme. J'avais détalé. La musique était mon sourire, les vaisseaux, j'ai mes souvenirs en sortant sur dernier soupir. Lorsqu'on va mourir, mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas se passer, chacun le sait. Ça va un big jockey, et tu chantes. Jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Voilà donc après Sheila, voici donc Billy avec Céline Dion et puis suivi de Goldman. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Donnez-moi des choses à dire à ceux qui vont souffrir pendant que nous dansons. Toi qui habites mon cœur pour doubler mon bonheur. Il suffirait demain que ce monde en déchirure pour guérir ses blessures se trouve un magicien. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'en vous l'attendant. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. Je suis né près de la source. Et j'ai vu la grande ours au ciel de ma maison. J'ai rencontré des bergers qui m'ont fait voyager, bien plus que de raison. Et s'il existe là-bas des coins où quelquefois les déserts ont fleuri, c'est que tout est dans nos mains. Et si on ne peut rien pour arrêter la vie. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon Arc-en-ciel. Laurence avec Africa, mais voici avant tout simplement Laurent Fabien, le titre Laisse-moi rêver. Toucher le ciel du bout des doigts et faire le vide. va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmel Yao canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portuguesa. O grupo 25 de abril para animar o baile. O grupo 25 de abril nos fará dançar jusqu'au petit matin. Vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, comptamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Eddie Mitchell avec tout simplement un crédit, un stéréo et puis juste après un Saint Renault. Mais avant, voici donc la grille des programmes pour aujourd'hui et demain. Donc à partir de ce soir, donc à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Eric Choc. Demain on sera donc eh bien mercredi à partir de 7h jusqu'à 9h avec tout simplement Frankie au réveil. Juste après, entre 9h jusqu'à midi avec Victor, l'émission Portugal en fait. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, avec Gloria, l'émission La Musique de Gloria. Et puis, entre 16h et 17h, hésite d'ailleurs. Et puis, donc, en fin de soirée, donc à partir de 18h jusqu'à 19h30, avec Violette, l'émission traditionnelle. Et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h, avec Christina, l'émission pour fleurs du fourrure. L'automobile que j'ai loué, la ceinture de sécurité, et en primo me l'a donné. J'ai fait installer la radio, à crédit et en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur, avec les trois chaînes en couleur. Si léger, il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier qui sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo. Mettre de l'argent de côté, sur la vie je me suis assuré, mais mes quittances sont impayées. que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins, la souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Thank you. you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it. Arc-en-ciel. Voici donc Francine, tout simplement François, et le titre, Il faut du temps. Et puis juste après, d'autres chansons. A sourire pour apprendre à grandir au milieu d'un combat. Il faut du temps pour apprendre à aimer, pour prêter ses jouets. Mais on n'en est pas là. Il faut du temps. On nous dit ça, on dit. On peint et on écrit. Et la guerre se vend. Il faut du temps. Mais les sourds parlent encore. Quand la poussière s'endort, moi je prie dans le vent. Je me suis battue pour ça. J'ai serré dans ma voix tous ces mots qui font peur quand on ne les entend pas. Je me suis battue pour ça. J'ai serré dans mes bras toutes ces femmes qui

donc le titre de la chanson s'appelle Les années passent, c'est avec Sylvie Vartan. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. L'homme qui parlait disait : je viens pour vous tendre. J'étais déjà tendu, j'allais pas répondre. Depuis la tribune, on attendra que ça tombe de la lune. Il est soulevé par la grâce, il dit qu'il va changer nos vies. Sous les dorures des palaces, on a juste peur qu'il oublie. L'homme qui parlait pensait, je vais les sécher. On était déjà sec, on n'a pas bronché. Quand tout est déjà noir, y a plus rien à craindre. Chez nous, y a que l'espoir qui reste à éteindre. Il a plein d'autres choses à faire. Y a tellement de Miss Météo. S'il pense à nous entre deux verres, ce sera aux horaires bureaux. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les six bons numéros, plus le complémentaire. L'homme qui parlait disait: je ne pense qu'à vous, je ne pense qu'à vous plus, mais je l'avoue. Le Père Noël, Jésus, toutes ces histoires, vous y avez cru, vous pouvez bien me croire. Voilà donc cette chanson, tout simplement celle-ci, de Francis Cabrel, qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver vendredi, tout simplement, à partir de 13h30. Voilà donc. Et bien, aussi, j'espère que vous avez passé une bonne midi à ma compagnie, qu'on va se retrouver donc vendredi. Et je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Il le jure, Dieu comme fer. Partagez le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les 6 bons numéros, plus le complémentaire. Il le jure, dur comme fer. Ce sera l'Eldorado, il a les 6 bons numéros.

Let's take a run, run, run, dans la pauvre run. Pour boire du rhum, rhum, rhum avec mes chums. Let's have some fun, fun, fun, dans la pauvre run. Pour boire une beer, beer, beer avec ma dear. Live au bout du quai, en bikini, les femmes dansaient, tous les bateaux s'emmenaient pour le party. Ça s'est passé pour 10 années, on pourra jamais l'oublier. Je te lève mon verre, mon chum Jean-Guy Maillet. Let's take a run, run, run, dans la pauvre run. Pour boire du rhum, rhum, rhum avec mes chums. Let's have some fun, fun, fun, dans la pauvre run. Let's take a run, run, run, and a poker run. Oh, I'll be rum, rum, rum, I think me chum. Let's have some fun, fun, fun, and a poker run. Oh, why don't beer, beer, beer, I think my dear. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Let's have a ball. Jump, jump, jump, it's a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Jump, jump, jump, it's a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow too. When you get your steady food. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. The jump, jump, jump and jive makes you hep, hep on the mellow side. Hep, hep. que j'y vis. Pirates, come on. looking for the super parasol. Pilot kings, seduced the queens of the soul, music and fun. Fooling the kings, reproduced the queens of soul music with your spark. Music's flowing, your feather. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Saudade no meu coração. Quando chegaste, meu anjo. Sem o som écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. We'll be right back.

Boa tarde, são 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores.